RDL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique RDL, il est 10h, bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure et nous allons ainsi décrypter les plus grandes chansons françaises et internationales. Qu'y a-t-il derrière ces chansons? Quelle est leur histoire, leur origine? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Et comment traduire les paroles en langue étrangère? Nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter les chansons françaises et internationales des années 60 à aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose le sommaire tout de suite. Et on commencera dans quelques instants cette émission avec Yves Montand qui en 1968 chantait la célèbre chanson La Bicyclette. Et puis nous verrons que Lio a fait son premier single sur Banana Split en 1979. À noter, vous allez le voir, elle était lycéenne. À ce moment-là, elle s'est fait repérer dans son lycée. Herbert Léonard, lui, en 1981, il était plus vraiment très récent dans la musique, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Il avait déjà une très très belle carrière. Et c'est en 1981 que, pour le plaisir, vous allez le voir, relance sa carrière d'artiste. I Will Always Love You de Whitney Houston, ça date de 1992, c'est issu de la bande originale du film Bodyguard, et vous allez voir que cette chanson, pour ceux qui ne savaient pas, elle existait déjà avant le film, depuis bien longtemps. On entendra Zazie à la fin de cette émission avec son nouvel album, elle en sort un dixième récemment, mais il y a 10 ans, elle faisait un premier succès, enfin un nouveau succès plutôt déjà avec son tube Je suis un homme, ça date de 2007, et c'était issu de son album Totem. Et puis on terminera avec Shawn Mendes qui, en 2015, chantait Treat You Better, c'est un chanteur canadien. Et comme je le disais donc tout à l'heure, je vous propose sans plus attendre de commencer cette émission avec Yves Montand, qui en 1968 chantait La Bicyclette. Il avait 47 ans à l'époque, il était en plein succès, et vous l'avez très certainement peut-être remarqué, ça date de 1968, cette chanson pile avant les événements de mai 68, à quelques semaines près, je dirais même. Ça raconte une histoire d'enfance, hein, du parolier, écrite pourtant il y a bien longtemps, en 1963. Eh oui. À noter juste avant que la SACEM a enregistré la chanson sous le titre La Bicyclette et non pas A Bicyclette, hein, comme Yves Montand le dit dans la chanson, parce que A Bicyclette, c'est une chanson qui existait déjà, c'est une chanson de Bourvil. Résultat, le titre officiel de la chanson d'Yves Montand, c'est La Bicyclette. Et un soir de 1963, donc, le parolier Pierre Barou, hein, qui fera plus tard la chanson du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, hein, dont on a parlé ensemble il y a quelques semaines, dans cette même rubrique pour les fidèles de cette émission, ça date également des années 60, eh bien Pierre Barou va voir un ami qui travaille dans la publicité et ce dernier lui demande de lui écrire une chanson sur les bienfaits du vélo. L'ami est donc publicitaire dans une entreprise de vélo, hein, vous l'aurez compris. Pierre Barou refuse de tomber si bas. Alors cette idée le hante quand même un petit peu. Au fond, il se dit que bah, après tout, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, que ça peut éventuellement lui donner une idée d'une chanson. Résultat, il rentre chez lui le soir même et il écrit l'histoire de la bicyclette. Dans ce texte, il y a de nombreuses référentes, ses références à lui de sa propre enfance en Vendée, hein, que ce soit la campagne, la mer, la guerre aussi, hein, Pierre Barou était caché avec d'autres enfants juifs chez des paysans. Bref, Pierre Barou était à ce moment-là adolescent. Barou va voir ainsi Francis Lai, juste après un accordéoniste niçois, qui deviendra lui aussi un grand de la chanson française, mais lui plutôt en tant que compositeur, hein. Et il compose la fameuse mélodie de la chanson. Sauf que les deux, ils n'en font rien. Là, tout de suite, en 1963, ils n'en font rien. Ils la gardent précieusement pour eux, les petits malins. Et jusqu'en 1968, où Pierre Barou, il est devenu auteur à succès, notamment connu grâce à Un homme et une femme, parce qu'il a écrit les paroles de la chanson, mais aussi et surtout parce qu'il était acteur dans ce film. Il parle de cette fameuse chanson, La Bicyclette, à Yves Montand et Simone Signoret, chez eux, hein, il est chez eux pour une partie de poker. Et Yves Montand est très intéressé. Lui qui cherche de nouvelles chansons, il demande immédiatement à l'enregistrer, il modifie à peine le dernier couplet de la chanson et ça devient un franc succès. Et je dirais même plus, ça devient La Bicyclette sur RDL. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. C'était la bicyclette de Yves Montand sur RDL, une très très grande chanson qui date déjà de 1968, et oui, cette année, elle célèbre ses 50 ans déjà, cette très très grande chanson interprétée par un très très grand acteur, et aussi, on le sait maintenant, un très très grand chanteur. Alors, dans les histoires des chansons depuis 15 émissions maintenant, puisque c'est la 15e de l'émission musique, on a déjà parlé des chansons qui ont failli se faire, hein, ou celles qui n'ont pas failli se faire, celles qui sont nées complètement par hasard, mais après tout, jamais celles nées grâce à des avantages fiscaux. Eh oui, c'est l'originalité de cette émission, et on va le voir tout de suite avec, vous allez peut-être être surpris comme je l'ai été d'ailleurs quand j'ai appris ça, eh bien, on va parler de ça, les avantages fiscaux sur la chanson Banana Split de Lio. Eh oui. Alors, la chanson en elle-même ne parle pas des avantages fiscaux, rassurez-vous, ça parle de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, érotisant, on va dire, je n'en dirai pas plus. Alors, la chanson, déjà, elle est chantée par Lio de son vrai nom, Wanda de Vasconcelos, hein, elle est née au Portugal, elle a dû fuir avec ses parents le régime de Salazar et elle a grandi en Belgique, elle y vit encore actuellement. Alors, peut-être pas là maintenant parce qu'elle est à Paris, mais en tout en règle générale, elle vit en Belgique. Et la carrière de Lio décolle, elle, quand elle était au lycée. Et puis, elle adore chanter à ce moment-là. Elle chante ses succès préférés à l'école. Et l'ami de son beau-père, un auteur de chansons, hein, de profession, l'entend chanter la déclaration d'amour de France Gall. Il est complètement séduit par sa voix. Il se dit, après tout, ça pourrait faire une très très bonne interprète. Alors, il sort son carnet d'adresses et il la fait débuter comme ça. Lui qui cherche avec un ami une sorte de Lolita, hein, pour chanter leur nouvelle composition. Alors, des compositions qu'ils avaient déjà faites au préalable, mais qu'ils avaient initialement proposées à Marie Trintignant, qui refuse. Résultat, elle, Wanda, elle accepte. Alors, est envisagé d'abord de lui faire chanter une reprise, sauf que tout le monde n'est absolument pas emballé par l'idée. Il préfère en interprète, hein, qu'ils veulent lancer, donc lui faire chanter des chansons originales. Sauf qu'en cachette, l'ami du beau-père qui l'a repéré en question dans son lycée, qui s'appelle Jacques Duval, hein, cet homme-là, eh bien, il travaille sur l'adaptation d'une chanson des Ike-ettes. Vous savez, les choristes, hein, de Ike et de Tina Turner. La chanson en anglais s'appelle Peaches and Cream, littéralement les pêches et la glace, hein, ça aborde la pêche Melba pour thème, hein, et puis surtout des sous-entendus érotiques. Comprenez maintenant d'où viennent les fameuses paroles un petit peu à double sens, donc, de la chanson de Banana Split. Duval va donc avoir l'idée de transformer la pêche Melba en un dessert glacé, évocateur de plaisir et très très connu en France. Eh oui, vous l'avez deviné, c'est le Banana Split. Jusque-là, les paroles ont été écrites, mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de composition de la chanson. Résultat, lorsque l'ami de Jacques Duval s'aperçoit que Jacques Duval donc prépare en cachette une reprise d'une chanson pour leur jeune protégé, il entre dans une colère noire, mais vraiment une colère noire. Et Wanda, elle ne peut rien faire, hein, évidemment, et l'ami en question refuse l'idée d'une reprise pour la faire débuter. Sauf que pour calmer sa rage, hein, eh bien, il décide de composer une mélodie et le fait en 5 minutes et bam, ça accompagne très très bien le texte de Jacques Duval. C'est comme ça que les paroles puis la musique donc, de Banana Split sont nées. Alors, un petit peu comme beaucoup de chansons d'ailleurs, hein, ils font la tournée des labels, 20 labels refusent le titre et la nouvelle chanteuse, un seul accepte Ariola, et pas parce qu'ils aiment la chanson ou qu'ils trouvent que la jeune Wanda pourra faire une grande carrière, non, parce qu'ils sont dans l'obligation de produire des artistes belges afin de bénéficier d'avantages fiscaux importants, d'ici la fin de l'année donc 1979. Et à la grande surprise de la maison de disques et aussi de l'auteur, compositeur et de l'interprète d'ailleurs, le succès est immédiat. Eh oui, ils commencent limite à se frotter les mains, la maison de disques, et pas que grâce à leurs avantages fiscaux, parce que 2 millions d'exemplaires sont vendus, la carrière de Lio commence, et évidemment, après, il y aura Amoureux Solitaires, Les Brunes comptent pas pour des prunes, et plein d'autres encore. À noter que le pseudonyme Lio, c'est une référence à un personnage bande dessinée dans Barbarella, eh oui, donc c'est un petit peu notre Lio à nous, qui est belge, et qui d'ailleurs, actuellement, est au casting de la nouvelle saison, la 9e, de Danse avec les Stars sur TF1. Voici sans plus attendre Banana Split sur RDL. Ça date de 1979. Na na na na na. C'était Lio avec Banana Split sur RDL, une très très grande chanson, assez quand même, assez dansante, hein, et oui, Lio qui en 1979 donc interprétait cette chanson, rendez-vous compte, c'est l'année prochaine cette fois que Banana Split célébrera ses 40 ans. Alors on a fait la décennie 1960, on a fait la décennie 1970, je vous propose maintenant la décennie 1980. Et pour ça, eh bien, on va juste se projeter deux ans après Banana Split de Lio, avec donc Herbert Léonard qui revient sur le devant de la scène grâce à Pour le plaisir. Alors elle est sortie en 1981, elle est écrite par Vlyn Buggy et composée par Julien Lepers, un ancien animateur, on le connaît tous, on s'en rappelle, de Question pour un champion. C'est vrai que tout le monde connaît l'interprète, hein, Herbert Léonard, tout le monde connaît le compositeur Julien Lepers, alors même si on connaît moins la parolière, personne ne sait véritablement comment la chanson est née. Eh bien, je vais vous le dire, c'est parti, je vais vous raconter ça. Herbert Léonard, dans un premier temps, il est révélé à la fin de la décennie 1960, hein, et il a un grand passage à vide dans la deuxième partie de la décennie 1970. Et début 80, il fait un comeback avec cette chanson, après donc, vous l'avez compris, plusieurs années d'absence. La chanson, elle est née d'abord d'une rencontre entre Julien Lepers, qui était à l'époque animateur sur RMC, hein, à la fin des années 70, et de Vlyn Buggy, une parolière qui, ils se rencontrent tous les deux à la Croisette, hein, lors du festival de Cannes, même pas au festival de Cannes, mais à Cannes, sur la Croisette, à la fin de l'été 1977. Les deux se revoient assez régulièrement, hein, ils sympathisent, jusqu'à même décider de travailler ensemble. Et ils sont tous les deux à la recherche d'un interprète. Et résultat, Buggy se rappelle de Herbert Léonard, hein, qui d'abord était chanteur, puis ensuite s'est reconverti, après son passage à vide, dans le journalisme, dans la presse aéronautique, après à cause d'un grave accident de voiture. Et résultat, elle décide de le rappeler pour justement faire une chanson ensemble. Alors il le convainc parce qu'évidemment, Herbert Léonard n'accepte pas tout de suite et il finit par accepter. Vlyn Buggy aime beaucoup la musique, hein, composée par Julien Lepers, sauf qu'elle sèche totalement sur les paroles. Et elle finit par hasard par trouver le titre de la chanson, eh bien, sur une émission de radio. Alors pas sur RMC où est Julien Lepers, mais sur une autre station, France Inter, puisque à l'époque il y avait une émission de troc qui s'appelait Pour le plaisir. Alors ensuite les paroles sont faites, ça va très bien avec la musique, etc. Herbert Léonard décide donc de l'enregistrer, sauf que forcément le trio doit quand même convaincre une maison de disques à la base, hein, pour pouvoir éditer l'album de Herbert Léonard, parce qu'il n'y a pas que Pour le plaisir, il y a aussi 9 autres chansons. Mais là encore, un peu comme Lio d'ailleurs, personne n'y croit, mais cette fois en un retour de l'ex-idole. Autant Lio, c'était parce qu'elle débutait sa carrière, autant là, il avait déjà une carrière, tout le monde le connaissait, mais comme il était has-been, eh bien, on décide presque de l'abandonner sèchement. Alors, Vlyn Buggy produit elle-même, du coup, le disque, hein, personne n'en veut après tout, et elle concède la distribution du disque à Polydor. Eh bien, je vais vous dire qu'elle a plutôt bien fait, puisque la première interprétation est dans l'émission de l'imitateur Thierry Leluron, et dès là, le succès est immédiat, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, et encore aujourd'hui, un petit peu plus de 30 ans après, Herbert Léonard est obligé de chanter cette chanson. Et c'est pas du tout, son grand succès ne vient pas du tout des années 1960 à ses débuts, mais bien de son comeback, ce qui est assez rare pour le souligner. Voici donc, sans plus attendre, Pour le plaisir, c'est Herbert Léonard sur RDL. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant simplement lui sourire. Sophia, être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois, tu m'es comme un fou. Et un soir, tout claquer d'un seul coup. Herbert Léonard sur RTL. Alors après la chanson des années 1960, 70 et puis 80, après Herbert Léonard, on va passer sans transition à Whitney Houston. Et oui, la transition est quand même assez sans transition, justement, puisque il y a pas, difficilement des points communs quand même tous les deux, si ce n'est que leur chanson a ainsi, que ce soit Pour le plaisir d'Herbert Léonard ou I Will Always Love You de Whitney Houston, dont on va parler maintenant et qui date de 1992, ont beaucoup servi leur interprète. Et ils ont démarré une sorte de nouvelle carrière, voire une carrière tout court d'ailleurs pour Whitney Houston après cette chanson. Alors elle est interprétée par la chanteuse pour le film Bodyguard, hein, où elle joue une star que le garde du corps incarné par Kevin Costner est chargé de protéger. C'est la plus grande chanson de la chanteuse, c'est, je le disais, la plus connue, sauf qu'à la base, elle ne vient pas d'elle. La chanson a été écrite, composée et interprétée par la chanteuse country américaine Dolly Parton, dans sa version country, qui date quand même de 1973, c'est-à-dire avant même que Banana Split, par exemple, de Leo ne sorte. C'est vous dire comme la chanson est assez ancienne. Hein. Et Parton l'a écrite après que son mentor lui ait signifié qu'elle devait écrire plus de chansons d'amour, et c'est comme ça qu'elle a chanté, ou plutôt qu'elle a écrit, composé et interprété cette chanson. Elle a réenregistré plusieurs fois après, que ce soit 10 ans plus tard pour le film La Cage aux Poules, dont Parton a obtenu le premier rôle. Alors, c'est un succès, un deuxième succès, hein. Le premier était quand même un succès, mais tous deux modestes, hein, quand même. Pas de quoi s'enflammer non plus pour la version de Dolly Parton. Par contre, pour Houston, c'est complètement différent. Elle fait une version plus R&B, plus pop, plus dramatique, plus lente aussi. Et force est de constater que c'était un petit peu la recette miracle, hein, puisque 40 millions d'exemplaires ont été vendus en quelques années seulement, c'est vous dire. A noter d'ailleurs que au début, c'était pas cette chanson, hein, qui devait figurer dans le film Bodyguard. C'est celle qui devait initialement en être et qui n'est pas connue, hein, finalement aujourd'hui. En fait, elle était déjà prise pour un autre film en cours de tournage en 1991, hein, le film Bodyguard, et ce film-là était tourné au même moment, donc du coup, ils ne pouvaient plus la réutiliser. En résultat, les producteurs ont dû se tourner vers une autre chanson, et ils ont donc décidé de choisir I Will Always Love You de Dolly Parton. Alors, Dolly Parton, elle est pas triste, hein, pour autant de ce succès qui ne lui appartient pas totalement ou presque en partie un petit peu, parce que étant auteur, compositrice et interprète, ben devinez qui touche les bénéfices et les droits d'auteur de ce tube depuis plus de 25 ans maintenant. Eh ben ouais, c'est elle. Même si c'est la version de Whitney Houston qu'on écoute actuellement sur RDL, 6 ans et demi après son décès, hein, elle est décédée en mars 2012, 20 ans après la sortie du film Bodyguard, je vous propose, sans plus attendre, de chanter I Will Always Love You sur RDL. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And c'était Je t'aimerai toujours sur RDL, I will always love you. Et pour la traduction de la chanson, et que je t'aimerai toujours toi, mon chéri, toi. Et après le premier couplet, des souvenirs doux et amers, c'est tout ce que j'emporte avec moi. Alors au revoir, s'il te plaît, ne pleure pas. Nous savons tous deux que je ne suis pas ce dont tu as besoin. Et là, le refrain, et je t'aimerai toujours. Et puis ensuite, il y a la musique. Et puis le second couplet, j'espère que la vie est agréable. agréable et j'espère que tu as tout ce dont tu rêvais. Et je te souhaite de la joie et du bonheur, mais par-dessus tout, je te souhaite de l'amour. Une merveilleuse chanson, I Will Always Love You sur RDL. J'espère en tout cas que vous avez bien profité de ces plus de 4 minutes de bonheur. Alors il y avait des petits blancs effectivement dans la chanson, mais c'est aussi ce qui rend quelque part l'émotion de cette chanson encore plus grande. Et c'est ce qui fait également la part aussi belle à cette très très grande chanson. Alors je vous propose sans plus attendre maintenant de passer à la décennie suivante, celle des années 2000, avec aussi une très très belle chanson, mais moins dans l'émotion de la voix de la chanteuse par exemple, mais surtout l'émotion des paroles, parce que cette chanson-là, il faut surtout écouter les paroles. C'est la chanson « Je suis un homme » de Zazie hein, qui est sortie en 2007, c'est issu de son album Totem, c'est le deuxième single de ce fameux album, c'est même le plus grand succès de l'artiste dans toute la décennie 2000, hein, la dernière décennie. À savoir que « Je suis un homme », c'est une chanson, vous le savez peut-être, une chanson engagée, puisqu'elle parle de la terre, de l'homme, avec un H majuscule, de la société de consommation, comment le monde évolue très vite, et aussi, évidemment, ses conséquences pour la terre. Les musiques et les paroles sont de Zazie, ce qui fait que vraiment ce qu'elle dit et ce qu'elle chante dans la chanson, c'est elle vraiment qui le pense, hein, c'est elle qui a mis les mots sur les mots, hein, en quelque sorte, la fameuse expression qu'on donne avec les deux mots qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, entre M-A-U-X et M-O-T-S. On reparlera dans la chanteuse dans quelques instants pour parler de son tout nouvel album qui est sorti il y a là quelques semaines. Mais avant d'aller vite avec son titre Speed, je vous propose « Je suis un homme, homme avec un H majuscule » sur RDL. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question, j'avance, avance à reculons, et je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le consommation, mon compte est bon, mon compte est bon. C'était Zazie sur RDL avec Je suis un homme, une très très belle chanson. Et je rappelle qu'on va reparler de Zazie un petit peu plus longuement dans quelques instants à l'occasion de son tout nouvel album, le 10e, qui est sorti il y a quelques semaines. Et juste avant, on continue évidemment cette fameuse traversée musicale des années 1960 à 2010. Ça permet aussi de voir justement la fameuse évolution de la musique entre les chansons comme Yves Montand dans les années 1960 ou encore la chanson de Shawn Mendes qui est sortie il y a 3 ans, tout juste en 2015, Treat You Better. Vous allez voir qu'il y a quand même un sacré décalage quand même. C'est aussi un petit peu le but de cette émission pour prouver, montrer aussi, voir, s'apercevoir en quoi l'évolution de la musique a été bénéfique ou non. Ça, c'est à chacun de le penser. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a effectivement une grande évolution musicale. Et qui a dit aussi que dans la décennie 2010, que nous apprêtons à terminer, enfin pas tout de suite, mais enfin quand même on s'y approche très très à grands pas quand même, qui a dit que dans cette décennie il n'y avait que des chansons sans aucun message, que des chansons juste pour faire la fête, pour la boîte de nuit par exemple, sans forcément que les paroles soient très très élaborées. C'est vrai qu'on dit souvent que les paroles étaient mieux à l'époque, ou les chansons même en général étaient mieux à l'époque, avec des sons meilleurs à l'époque. Mais au fond, eh bien, il y a un petit peu tous les styles et un petit peu de tout. Puisque Treat You Better, par exemple, ce n'est pas du tout une chanson comme ça, juste pour faire un single, une chanson d'amour comme les autres, j'allais presque dire, puisque c'est une chanson qui parle des violences domestiques. Alors, d'abord, la chanson, remettons-la dans son contexte musical, elle est issue du 2e album du jeune chanteur canadien Shawn Mendes, qui était alors âgé de 18 ans à peine, il en a 20, bientôt 21 aujourd'hui, et il a écrit, composé et interprété cette chanson. Jusque-là, effectivement, rien d'anormal ni de surprenant, mais je l'ai dit tout à l'heure, qui, à 20 ans, au fond, écrit et compose une chanson sur les violences domestiques. Une chanson sur une histoire d'amour, évidemment, en disant qu'au fond, il dit à une fille que le mec avec qui elle est, eh bien, il ne la mérite pas puisqu'il la bat, en gros, contrairement à lui qui serait plus aimant puisqu'il est amoureux d'elle, hein, évidemment. Alors, Shawn Mendes a voulu écrire un titre rythmé, pop, engagé avec cette histoire. Il essaie donc de libérer une jeune fille d'une relation toxique où son petit ami est violent avec elle. Dit comme ça, c'est beaucoup plus clair qu'avant. Le clip, lui, est d'ailleurs particulièrement sombre. Il y a même une particularité aussi à la fin du clip, c'est qu'il y a le numéro 20 américain à contacter en cas de violence faite à son conjoint qui est affiché justement à la fin. Et pour mieux comprendre l'histoire, je vous propose sans plus attendre la traduction en français des paroles en anglais. Les toutes premières paroles, on commence vraiment avec le tout début de la chanson. I won't lie to you, ça commence comme ça. Je ne te mentirai pas, je sais qu'il ne te convient pas. Et tu peux me dire que je suis à côté de la plaque, mais je le vois sur ton visage quand tu dis qu'il est celui que tu veux et tu passes tout ton temps dans cette mauvaise situation. Et à chaque fois, tu veux que ça s'arrête. Et le refrain, je sais que je peux mieux m'occuper de toi qu'il le fait. Et une fille comme toi mérite un gentleman. Dis-moi pourquoi nous perdons du temps, surtout pour gaspiller nos larmes, quand tu devrais être à mes côtés. Je sais que je peux mieux m'occuper de toi, mieux en tout cas qu'il ne le fait. Shawn Mendes avec cette chanson, je vous propose là aussi de redécouvrir ou de découvrir, si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, cette très très belle chanson aux paroles très très sombres et dramatiques. I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the love something that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you better. Treat You Better de Shawn Mendes sur RDL. Treat You Better, littéralement, si on prend juste ce titre, ça signifie te traiter mieux. Et avec le refrain, ou mis dans le contexte du refrain, je le rappelle, je sais que je peux mieux m'occuper de toi qu'il le fait. Et une fille comme toi mérite un gentleman. Dis-moi pourquoi nous perdons du temps, surtout pour gaspiller nos larmes quand tu devrais être à mes côtés. Je sais que je peux mieux m'occuper de toi, mieux qu'il ne le fait. À noter que Shawn Mendes a sorti un troisième album au mois de mai 2018. Je rappelle qu'il n'a que 20 ans d'ailleurs. Il a fait un petit peu comme Kenji Girac en fait, un album par année. Alors, je disais tout à l'heure en diffusion, je suis un homme de Zazie, qui date de 2007. Je le rappelle qu'on allait revenir sur la chanteuse puisqu'elle sort un nouvel album. Je crois même que c'est la troisième fois que je le dis, promis. Là, et je le dirai encore une fois dans la foulée et ce sera terminé. C'est issu de son 10e album intitulé Essentiel, avec un C, avec le joli jeu de mots qui va avec. Et le premier single de ce 10e album de Zazie, eh bien, c'est Speed. Vous l'avez très certainement entendu, notamment à la télé, un petit peu moins en radio, puisque Zazie avoue elle-même qu'elle passe moins en radio, qu'elle trouve que c'est une chance. En même temps, ça ne coûte rien de l'écouter ou de le réécouter, et surtout aussi récompenser en quelque sorte le risque qu'elle a pris, elle et son équipe, d'ailleurs, en choisissant ce titre comme single de l'album, puisque c'est vrai qu'il est un peu format hein, quand même pour les radios à la base, mais ça tombe bien puisque à RDL on adore ça, ces fameuses chansons, une chanson avec des sons en plus électro faite par Zazie elle-même et sa complice toujours Edith Fambuena. Ensemble hein, ils ont fait pas mal de chansons, peut-être Je suis un homme d'ailleurs à voir, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas c'est pas le premier album de loin pas, hein, où elles collaborent toutes les deux ensemble. Et à noter que lors de l'élaboration du disque, 15 versions différentes de Speed ont été faites, certaines électro comme vous allez l'entendre, d'autres pas du tout, un petit peu plus variété. Il y a vraiment eu une vraie recherche du meilleur son possible pour cette chanson. Surtout le rythme lui est différent de la chanson, puisqu'au départ c'est un petit peu plus long et puis ensuite ça va de plus en plus vite, d'où le titre Speed et d'où aussi l'originalité de la chanson, que j'aime beaucoup d'ailleurs à titre personnel. Une chanson qui parle du temps qui passe, de l'amour aussi, c'est un des premiers titres travaillés par Zazie pour cet album et dont celui-ci d'ailleurs la hante encore aujourd'hui. Elle a déclaré que ce titre la hante tellement elle a travaillé au fur et à mesure pendant des semaines et des semaines. Je vous propose sans plus attendre le dernier titre, le dernier single de Zazie issu de son nouvel album Speed sur RDL. Puis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour Jazzy avec Speed sur RDL, issu de son dernier album intitulé Essentiel, je le rappelle. Et allez hop, à la prochaine chanson maintenant, la dernière, et oui déjà, de cette 15e émission de musique. Merci beaucoup pour votre fidélité tout au long de ces semaines d'ailleurs passées, j'espère, à venir en tout cas, et l'actuelle aussi d'ailleurs. Et puis, je vous propose une chanson un petit peu plus humoristique d'un grand chanteur, d'un grand interprète dont on avait peut-être très très peu parlé d'ailleurs ces derniers temps. C'est Richard Gottener qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Saperlipopette or Not Saperlipopette. J'aime beaucoup le titre, c'est sorti en septembre 2018. Et alors il y a plein de singles également. Je vous propose celui de Baiser Mouillé, une chanson très humoristique. Croyez-moi, c'est pas la seule. Il y a aussi Les Moutons, par exemple, une chanson sur la politique. Il y a aussi une autre chanson sur les insultes, mais on va quand même rester un petit peu digne sur RDL, enfin digne façon de parler, avec Baiser Mouillé, une chanson, vous allez le voir, sur un thème qui va peut-être, j'en sais rien, vous concerner, à vous de juger sur RDL. Goutte d'eau, perle d'orage, coule à flot sur nos visages, mais l'amour, même sous l'eau, garde pour toujours les cœurs transis bien au chaud. On arrive quand t'es en riz, on arrive sous cette pluie, j'ai boulé d'été, on attend d'aimer, ces baisers tout mouillés. Baisers mouillés, baisers mouillés, baisers et mots mouillés, baisers donnés sous giboulé, fais sol soleil brille briller, fais soleil briller. Il a plu, plus tant et plus, il a plu, ça nous a plu, j'ai aimé, t'as adoré, comme cette onde nous a submergé. Le soleil enrubanné d'arc-en-ciel et de nuit éclabousse à sa manière nos deux frimousses d'eau et de lumière. Puis il appelle à la rescousse les gros nuages gris pour nous la refaire. Baiser mouillé, baiser mouillé, des baisers et mots mouillés, baiser donné sous giboulé, fais ce soleil brille, brille, fais soleil. Ton rimmel coule, l'eau te fait belle, tu me chamboules. Voyage mutin dans les rigoles, j'aime ce grain qui nous affole. Des cailloux pour trébucher, de la gadoue pour patouiller, on a tout, tout ce qu'il nous faut, tout pour faire joujou, pour faire les foufous dans l'eau. On a ri, tant et tant ri, on a ri sous cette pluie, j'ai boulé d'été, on attend d'aimer, ces baisers tout mouillés. Baisers mouillés, baisers mouillés, des baisers et mouillés. Gottener avec Saperlipopette, or not Saperlipopette, c'est son tout nouvel album avec cette chanson Baiser Mouillé. Je l'avais dit, c'est assez rigolo, ça détend un petit peu, et puis après tout, quand on va pas bien, ça permet aussi un petit peu de se, en quelque sorte, d'aller mieux aussi. Une des chansons peut-être qui peut être effectivement, qui peut entrer dans la catégorie des chansons feel good un petit peu quand on n'a pas trop le moral. C'est en tout cas avec cette chanson de très très bonne humeur que nous allons nous quitter. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de nous avoir écoutés. écouté. J'espère en tout cas que cette émission vous a beaucoup plu. J'espère que vous avez appris également beaucoup de choses. Et puis j'espère que, eh bien, on sera ensemble la semaine prochaine, mercredi, à 10h, bien sûr. RDL au 103.5. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la suite de la programmation de RDL, notamment Sandra qui vous raconte une histoire dans son émission à suivre. Je vous souhaite une excellente journée et une très très bonne semaine. Et à la semaine prochaine, encore une fois, sur RDL.